Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On trouve trace de l'histoire de la France en France, dans les archives bien sûr. On en trouve également trace à l'étranger et la série La France dans les archives de l'Europe en rendait compte au début des années 1980 sur France Culture. Une première émission se penchait sur les émigrés protestants en Allemagne après la révocation de l'édit de Nantes. La deuxième émission portait sur les traces des Huguenots en Hesse, de Göttingen à Karlshafen. Les foyers de réfugiés en Allemagne, l'assimilation, peut-être d'autant plus facile que non imposée. Si tous les Huguenots parlaient allemand un siècle après leur première arrivée, personne n'avait oublié ses origines françaises. Mais qui sait si l'assimilation n'avait pas été aussi le passage du calvinisme au luthérianisme. La France dans les archives de l'Europe, les Huguenots en Hesse, de Göttingen à Karlshafen, une émission de Jean Montalbetti avec la participation des historiens Michel Magdelaine, Étienne François et Rudolf von Taden. Réalisation Jean-Claude Loiseau, première diffusion sur France Culture le 3 août 1982. L'Angélus sonne dans le petit village de la Hesse qui a été surnommé Repos de la Conscience. Quelques inscriptions en français au-dessus des maisons nous indiquent l'origine des familles installées dans cette vallée à la fin du XVIIe siècle. Ce village modeste et paisible est une archive vivante du refuge Huguenot en Allemagne dont nous allons suivre la topographie au musée Huguenot de Karlshafen. Ces archives françaises de l'émigration protestante sont des actes d'état civil, des contrats de mariage, des bibles annotées, des correspondances, des sermons en français. Mais c'est aussi la mémoire vivante des familles qui survivent et perpétuent une tradition, une double appartenance, huguenote et allemande, en ayant perdu la plupart du temps l'usage de la langue française et de plus en plus l'empreinte religieuse calviniste en pays à majorité luthérienne qui tend, comme les autres peuples d'Europe, sauf la Pologne, à se déchristianiser. À travers notre périple de Francfort à Göttingen, de Friedrichsdorf à Karlshafen, nous voudrions mieux comprendre le destin des Huguenots français et de leurs descendants. Au nom de la Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Amen. Notoire et manifeste à tous présents et à venir que ce jour-ci, au bas nommé, sont comparus en personne honnête jeune homme Isaac Grandpierre, fils au sieur Nicolas Grandpierre, habitant à Friedrichsdorf, et à défunte Anne Leroy, ses pères et mères d'une part, et honnête jeune fille Marie Privat, fille au sieur Antoine Privat, maître manufacturier de Bas, habitant au dit Friedrichsdorf et ancien de l'église du lieu, et à défunte Judith Lecomte, ses pères et mères d'autre part, lesquels Isaac Grandpierre et Marie Privat, après une bonne et mûre délibération de franche volonté, assistés et accompagnés de leurs proches parents et amis qui ont sous-signé, et par le consentement et approbation des susdits parents, se sont aujourd'hui promis l'un à l'autre en foi de loyal et légitime mariage, promettant de s'aimer et chérir l'un l'autre et vivre ensemble en la crainte de Dieu, s'édifiant et eux et toute l'Église par une bonne conduite, comme aussi d'élever les enfants qu'il plaira à Dieu leur donner en sa crainte et leur donner une bonne éducation. Ayant arrêté de plus leur mariage, consommé après la publication des trois annonces en face de l'Église de ce lieu, à raison de quoi ils sont convenus des articles suivants. Premièrement, le père du futur époux donne à son fils, pour qu'il puisse tant mieux subsister, deux métiers de mulquinier avec les fournitures, plus promet le logement au futur époux et à la future épouse pour un an gratuitement, plus leur promet donner pendant la dite année 4 maltaires de seigle, 4 mesures de froment et une mesure de poids qu'il leur donnera sitôt après la moisson prochaine, s'il plaît à Dieu la bénir. Autrement, ne l'ayant pas recueilli, leur en achèterait pour le prix valant à l'or. Plus, leur donne un bois de lit, une couverte et une paillasse et un coffre, plus donnera à son dit fils du drap et de la doublure pour lui faire un habit de noces, pour faire un habit honnête. Le sieur Priva donne à sa fille 200 florins qui proviennent de la part de la défunte mère, plus une bague d'or venant aussi de la mère. Est-il François, Michel Magdelaine, nous sommes sortis de Göttingen pour remonter. Quelle est la direction que nous avons prise et quelle est la région que nous avons traversée? Alors nous sommes allés dans la direction du nord-ouest, en direction de Karlshafen, dans cette région où il y a eu précisément un grand nombre de villages créés pour les Huguenots à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. À la limite entre ce qui est aujourd'hui la Basse-Saxe et la Hesse, et nous sommes maintenant dans l'ancien Landgraviat de Hesse-Cassel. Alors, nous venons de pénétrer à l'intérieur de ce petit village qui s'appelle le Repos de la Conscience. Alors, quelle est son histoire? C'est une des toutes dernières fondations destinées aux Huguenots. Il s'agit de deux villages, en réalité, qui ont été créés en 1722 pour recueillir des Huguenots originaires du Piémont, chassés par la persécution à la fin du XVIIe siècle et qui ensuite avaient erré à travers toute l'Europe du Nord, depuis la Prusse jusqu'au Danemark, sans arriver à se fixer nulle part, et qui ont été accueillis en 1722 par les Landgraves de Hesse-Cassel, qui leur a donné, les pauvres, on comprend qu'ils soient installés parce qu'ils en avaient marre de circuler partout, mais le territoire était terrible, qui leur a donné deux petits bouts de terrain à proximité de la Vézin. Aujourd'hui, nous les voyons sur le soleil, mais il faut bien reconnaître que la plupart du temps, c'est sous la pluie, c'est sous la brume, que ce sont des territoires qui étaient libres parce que personne n'en voulait. Nous allons pénétrer dans le temple que vient de nous ouvrir Monsieur Centurier. Monsieur Centurier, qui est un descendant de Huguenots, qui ne parle plus le français et qui anime l'association des anciens Huguenots pour l'AS. Un très joli petit temple qui date donc du XVIIIe siècle, avec la chaire au fond du temple, un autel extrêmement simple, une simple table de bois et des bancs qui sont peints en couleur bleu et gris. Zeichen der Waldenser sehen Sie hier auf der linken Seite mit dem Spruch der Waldenser: Das Licht leuchtet in der Finsternis, Lux lucet in tenebris. Ce temple est un temple calviniste par excellence, dans la mesure où il est très dépouillé. On y voit d'abord la prééminence de la parole, c'est la chaire qui est importante et non pas l'autel. L'autel est une simple table. Et puis d'autre part, aucune décoration. Le seul élément de décoration est très discret, c'est la peinture de la chaire et la peinture des bancs. De part et d'autre, sur les murs, deux inscriptions. À gauche, on voit l'emblème des Vaudois, car il s'agissait des Vaudois originaires du Piémont, avec leur devise « La lumière a brillé dans les ténèbres ». Et sur le mur de droite, un verset de l'Ancien Testament en allemand, dont l'original se trouve en français, au-dessus du linteau de la porte de l'église, « L'Éternel est en ce lieu et je n'en savais rien ». Et le fait que nous ayons ce même verset de la Bible en français à l'entrée de l'église et en allemand à l'intérieur peut être considéré comme symbolique de cette transition progressive d'une culture dans une autre, mais sous le même signe de la fidélité à la Bible et à l'Ancien Testament. Ce village est de petite dimension, les maisons et les fermes sont le long de la rue principale et on voit au-dessus des maisons l'inscription des noms français, mais on a l'impression que ces inscriptions sont assez récentes, même si elles portent des dates du XVIIIe siècle. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a en ce moment, dans cette région, une sorte de nouvelle prise de conscience un peu de cette identité huguenote? On a l'impression dans ce village-ci qu'il y a eu effectivement redécouverte de ce passé huguenot et que ce passé huguenot est maintenant cultivé. Et ce qui me frappe le plus, c'est le contraste avec le village voisin, qui porte aussi un très beau nom, il s'appelle la Fidélité de Dieu, Godstroy. Dans ce village, on voit quelquefois au-dessus de maisons des noms français, mais ces inscriptions ne sont pas soignées comme elles le sont ici. Il n'y en a pas qui aient été rajoutées à une époque toute récente. Et on a l'impression, au contraire, que ce village a été tellement assimilé, c'est tellement bien inséré dans le tissu environnant qu'il est complètement allemand. Alors que ici, dans ce village qui est lui-même effectivement entièrement allemand, plus personne ne parle français à Gewissenruh, on redécouvre cette origine française, on l'affirme, on en est fier et on l'exalte même en mettant au-dessus des portes des inscriptions qui sont manifestement toutes récentes, même si elles portent la date de 1780. Monsieur Centurier. Ja, der Deutsche Hugenottenverein bekommt laufend sehr viele Anfragen aus dem deutschen Bereich, aber auch aus dem Ausland und aus Amerika, wo Menschen sich jetzt in dieser Zeit für ihre hugenottischen Vorfahren interessieren. Monsieur Sondurier nous dit que l'association dont il est le président, c'est-à-dire l'association des Huguenots d'Allemagne, est actuellement submergée de demandes venant de toutes les régions d'Allemagne et même de l'étranger, de la part de personnes qui savent qu'ils ont eu un moment ou un autre un Huguenot dans leur ascendance et qui demandent qui est cette personne, d'où vient-elle, est-ce qu'on pourrait retrouver la filiation de la famille et les origines françaises. Est-ce que justement ces familles cherchent à renouer des contacts avec des membres de la famille qui ont pu rester en France et qui pourraient aujourd'hui survivre? Eine der entscheidenden Fragen eigentlich der meisten, die sich für ihre Familiengeschichte interessieren, ist, wo kamen meine Vorfahren aus Frankreich her? Effectivement, c'est la plupart des choses qui sont demandées par les gens qui écrivent à l'association des Huguenots, c'est quelle est la localité d'origine de leurs ancêtres ayant quitté la France. Et étant donné que il y a eu déjà énormément de travaux généalogiques très précis qui ont été faits, la plupart du temps, on peut donner à ces personnes l'indication exacte et ensuite, ils se rendent sur place, cherchent à retrouver des gens qui portent le même nom qu'eux. Il est très rare que ça débouche sur de véritables reconnaissances de famille à 3 siècles de distance avec tout ce qui s'est passé. Il y a tellement de différences et tellement d'oubli aussi qu'au-delà de la communauté de noms, on n'a pratiquement plus rien qui nous réunit, mais le fait reste qu'un nombre important d'Allemands aujourd'hui recherchent les traces de leurs ancêtres dans la France du Midi et du Sud-Est. Et l'exemple que nous pourrions avancer est justement celui de M. Centurier qui, ces années dernières, a été régulièrement dans le Dauphiné, dans la région d'Embrun en particulier, qui a réussi à retrouver, à force de patience, dans les archives de la mairie et dans les archives départementales, l'extrait du cadastre où son ancêtre, qui porte le même nom que lui, Antoine Centurier, était mentionné pour la possession d'une maison, le contrat de mariage de ses ancêtres qui ont quitté la France après la révocation des édits de Nantes, et même, c'est cela qui l'a le plus ému, un document des archives de la police dans laquelle l'administration française raconte comment elle avait fait une descente dans la maison d'Antoine Centurier pour chercher des papiers parce que cet Antoine Centurier était soupçonné d'appartenir à la RPR, c'est-à-dire à la religion prétendue réformée. Michel Magdelaine, nous sommes dans les locaux de l'Institut Max Planck de Göttingen, institut d'histoire, avec Étienne François, qui est le chef de la mission française, qui est associé à cet Institut Max Planck d'histoire, et avec Rudolf von Taden, qui est professeur d'histoire à l'Université de Göttingen. Ce que j'aimerais voir avec vous, c'est à quel moment commence-t-on à parler de refuge huguenot en Allemagne? Et que signifie exactement ce terme de refuge? On commence à parler de refuge huguenot en Allemagne dès avant la révocation, puisqu'il y a une distinction même entre ce qu'on appelle le premier refuge et le second refuge. Le premier refuge date déjà de la fin du XVIe siècle, au moment des premières persécutions contre les protestants en France et au moment des guerres de religion. Et on entend par refuge à la fois les pays d'accueil et les groupes de personnes qui se réfugient dans ces pays d'accueil. Alors nous avons parlé de Francfort comme un petit peu plaque tournante qui recevait ces réfugiés venant de France. qui ont été notamment très nombreux, donc après l'édit de Fontainebleau et la révocation de l'édit de Nantes de 1685. Mais quelle a été plus généralement l'attitude des princes allemands devant cette émigration, et notamment quelle a été celle de l'électeur de Brandebourg qui a accueilli une grande partie de ces réfugiés, Rudolf von Taden? Alors la position des princes allemands a été différente, bien entendu. Ceux qui étaient calvinistes étaient plus proches des huguenots français que les luthériens, et bien entendu aussi plus proches que les catholiques, n'est-ce pas ? Alors ici, je parle uniquement des calvinistes. Alors en premier lieu, de l'électeur de Brandebourg. La maison de Brandebourg s'est convertie au calvinisme au début du XVIIe siècle, 2 ans avant la guerre de 30 ans, pour des raisons politiques d'ailleurs, parce qu'ils avaient des territoires tout près de la Hollande. Mais alors, comme ils avaient hérité des territoires luthériens, essentiellement dans l'est de l'Allemagne, ils avaient intérêt à y placer des réformés pour que la dynastie n'y restait pas isolée. Alors, en conséquence de la guerre de 30 ans, donc déjà avant la révocation de l'édit de Nantes, ils ont eu la chance de faire venir des réfugiés, par exemple de la Bohême, qui avaient une tendance à s'allier aux calvinistes et non aux luthériens. Ensuite, il y avait des immigrés de l'Écosse, il y avait surtout aussi des réformés de la Pologne, qui venaient en Prusse, mais c'était toujours un nombre qui ne suffisait pas à peupler les régions. Alors, quand en 85, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, l'électeur de Brandebourg, c'était le grand électeur, était très intéressé à voir une portion importante de l'immigration française, parce que ça lui permettait de peupler ces régions. Et en plus, de renforcer la position des calvinistes dans les terres luthériennes. Mais comment s'est faite cette intégration avec la population ? Étant donné qu'à l'époque, à la fin du XVIIe siècle, Berlin était une toute petite ville. Je crois qu'il y avait une dizaine de milliers d'habitants, à peu près, ou 15 000 habitants. Alors, comment, dans une population si peu importante, s'est faite l'intégration d'un plusieurs milliers d'émigrés ? Eh bien, d'abord, l'intégration n'était pas très forte. Dans la première génération, il y avait une communauté française à côté de la communauté allemande. Chacune avait ses traditions, chacune avait surtout sa langue. Mais alors, à partir de la deuxième génération, il y avait tout de même un mélange de la population. À partir de la deuxième génération, il y avait aussi un changement d'identité. On ne demandait pas des Français de devenir des Allemands à cette époque. Au XVIIIe siècle, tout ce qu'on leur demandait, c'était d'être des Prussiens. Alors, je dirais que pour eux, c'était même plus facile que pour beaucoup d'Allemands, de la Silésie ou de la Poméranie, de se dire Prussiens, parce que ils avaient une certaine reconnaissance envers la maison de Brandebourg. C'était grâce à la maison de Brandebourg qu'ils avaient leur place en Prusse. Par conséquent, je dirais que c'était eux, les premiers Prussiens. Michel Magdelaine, Étienne François, nous sommes ici dans la petite ville de Karlshafen qui a été fondée pour les Huguenots. À quel moment ? Elle a été fondée dans les années 1690 pour accueillir des Huguenots et pour servir en même temps de place de commerce, C'est une ville qui est très intéressante dans la mesure où on y voit très bien se rejoindre les motivations politico-religieuses et les motivations économiques. Une ville très pittoresque dans la mesure où il s'agit d'une ville neuve, avec un plan damier, des maisons très régulières dans un style classique qui surprend dans une Allemagne plutôt marquée par le baroque, et une ville complètement endormie, car le canal qui devait partir de cette ville et détourner le commerce de la Weser vers Kassel n'a jamais été terminé, si bien que la ville a avorté à peine avait-elle été créée. Dans cette petite ville, il y a un musée qui retrace l'histoire des Huguenots français ici. D'abord, dans une première partie, l'histoire du mouvement protestant, avec des reproductions, des gravures des fondateurs, de Calvin, de Luther, de Zwingli, le réformateur de Bâle, et également un certain nombre de gravures et de reproductions des principaux épisodes des persécutions. D'abord, une reproduction de l'édit de Nantes de 1598 et ensuite de l'édit de Fontainebleau signé par Louis XIV et par Colbert. Mais il y a également quelques documents originaux qui sont assez émouvants. Michel Magdelaine, ici nous avons d'une part une attestation signé par un pasteur. Une attestation ou un témoignage, c'est ce que tous les protestants, tous les calvinistes devaient avoir quand ils quittaient leur paroisse pour aller s'établir autre part, pour bien prouver qu'ils faisaient partie de la confession réformée. Alors celui-là a été donné par les pasteurs et anciens de l'église française de Kassel. Il certifie que Judith Perrottet, native de Hofgeismar, a habité Kassel pendant 3 ans, qu'elle a toujours fait profession de la religion réformée, qu'elle fréquente les saintes assemblées, qu'elle a participé dans les occasions au sacrement de la Sainte Cène, sans avoir commis aucun scandale qui soit venu à notre connaissance. À côté de cette attestation, nous avons des médailles, des jetons, qu'on appelait les méros. Alors de quoi s'agit-il ? Ils sont en argent, je pense ? Pas forcément, cela je ne sais pas du tout, mais c'était souvent dans un métal pas du tout précieux. Ça n'était pas ça qui faisait l'intérêt du méro. C'était le fait qu'on devait le demander avant d'aller à la Sainte Cène. On célébrait traditionnellement la Sainte Cène 4 fois par an. C'est-à-dire à l'occasion des grandes fêtes. À l'occasion de certaines fêtes qui étaient Noël, Pâques, Pentecôte et en général à l'automne, un dimanche qu'on appelait le dimanche des censures. L'équivalent, si vous voulez, d'un jour de prière, de jeûne et de repentance. Et quand des personnes étrangères à la paroisse arrivaient, qu'elles avaient une attestation ou qu'elles n'en avaient pas, elles allaient au consistoire, voir les membres du consistoire ou le pasteur, et on leur posait un certain nombre de questions pour voir si elles appartenaient véritablement à la confession réformée. Alors on leur donnait un méro, sinon elles ne recevaient rien. On se méfiait en effet des gens qui risquaient de s'introduire, et à cause desquels, par exemple s'ils étaient des catholiques, et qu'ils allaient se vanter après d'avoir communié dans une église réformée, ça voulait dire fermeture et destruction du temple. Vous avez sorti une carte de l'Allemagne pour nous montrer un peu quels ont été les foyers de ce refuge huguenot en Allemagne. Alors, ce qui est effectivement intéressant dans l'étude du refuge en Allemagne, c'est son énorme diversité géographique. Étienne François. Bien sûr, on trouvera très peu de communautés huguenotes dans l'Allemagne de l'Ouest ou dans l'Allemagne du Sud parce qu'elles sont catholiques. Mais dans l'Allemagne du centre et dans l'Allemagne de l'Est, et jusque dans des régions qui sont aujourd'hui soit polonaises, soit russes, on trouve des communautés huguenotes, et quelquefois très nombreuses. Donc une très grande diversité régionale, qui est accentué par le fait, en plus, et je crois aussi que c'est une seconde originalité du refuge en Allemagne, qu'à côté des communautés installées dans des villes et qui quelquefois représentent un pourcentage très notable de la population urbaine, à Berlin, vers 1700, un habitant de la ville sur trois était un Français. La ville neuve de Erlangen, à côté de Nuremberg, a été créée uniquement pour les Huguenots. À côté de Göttingen, à Kassel aussi, il y avait la ville neuve qui avait été dont les plans avaient été tracés par des architectes huguenots et qui était habitée essentiellement par des huguenots. Mais à côté des villes peuplées par les huguenots, il y avait toute une série de villages qu'on trouve aussi bien autour de Francfort que dans le nord de la Hesse. Et qui fait que, au total, le refuge français en Allemagne est, tout compte fait, je crois, un des plus différenciés qui soit, surtout si on le compare à ce qui s'est passé en Hollande ou même en Angleterre. À quel moment, Michel Magdelaine, est-ce que le mythe un petit peu du retour qui a dû exister pendant les premières années, ou en tout cas pendant le premier siècle, a complètement disparu? C'est-à-dire à partir de quel moment ces huguenots ont cessé d'espérer un retour possible en France? Ça n'a pas duré un siècle. Le retour, ou du moins l'espoir du retour, s'est terminé brutalement en 1697 à la paix de Ryswick. Louis XIV a bien dit qu'il refusait absolument d'envisager le retour de ces hérétiques, et ça a été terminé pour eux. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que ceux qui ne s'étaient pas complètement installés, qui erraient encore de village en village ou de ville en ville, ont cherché, et ont en général, en particulier en Allemagne, trouvé un lieu d'établissement. Et ce qui explique qu'on parle des générations successives d'établissements. Il y a la première génération, tout à fait au début, 85, 86, 87. Le village de Friedrichsdorf, par exemple, dans le Taunus, date de 1687. Ensuite, il y a la seconde génération, c'est 98, 99. Et la plupart des villages du nord de la Hesse datent de cette période-là. Puis il y a, plus tard, en 1720, une troisième génération qui concerne essentiellement des gens d'origine vaudoise venant du Haut-Piémont, et qui, pour certains, étaient revenus sous la direction d'un de leurs pasteurs dans le Piémont, espérant qu'à la faveur des troubles et des changements de politique du duc de Savoie et du roi de France, ils pourraient s'établir de nouveau dans leur pays. Beaucoup ont dû renoncer et sont revenus en Allemagne. Un siècle après, en 1787, il y a eu tout de même l'édit de tolérance. À partir de ce moment-là, est-ce que certains retours ont eu lieu? Très très peu. Très très peu, parce que les gens étaient déjà tout à fait installés, avaient eu beaucoup de mal à s'habituer, on peut l'imaginer aisément, mais au bout d'un siècle, c'est fait, ou alors on n'est plus sur Terre. Ces huguenots, comment ont-ils accueilli la Révolution française et notamment les conquêtes napoléoniennes en Allemagne? Alors, c'était très simple. Pour eux, la Révolution française était la conséquence directe du régime absolutiste de Louis XIV. C'est, vous voulez, la revanche des Français contre la monarchie catholique qui avait expulsé les protestants. Rudolf von Daden. Par conséquent, il se disait, nous n'avons pas besoin de révolution, puisque nous n'avons pas eu de problème d'expulsion des protestants. La Prusse protestante, ils auraient dit, la Prusse protestante n'a pas besoin de révolution. Et vis-à-vis de Napoléon? Alors, vis-à-vis de Napoléon, c'était plus simple encore. C'était la Nouvelle-France qui venait en Allemagne, et surtout en Prusse. C'était l'héritier de Louis XIV, c'était le grand ennemi de la Prusse. Eux, ils ne parlaient pas du code civil et des bonnes traditions dont parlaient les Rhénans, n'est-ce pas? Pour beaucoup d'Allemands de l'Ouest, l'arrivée de Napoléon apportait, c'était un progrès. Alors que pour la Prusse et surtout pour les Huguenots, c'était le contraire. Et il y a un exemple assez typique. Théodore Fontane, le grand écrivain de tradition huguenote, si vous voulez, le Stendhal allemand, le Stendhal prussien, il faudrait dire plutôt, il nous raconte la réaction de sa famille à la bataille de Jena et de Auerstedt. Son père rentre le soir en disant, à partir de demain, nous parlerons allemand. Sous une vitrine, quelques objets également émouvants. On voit par exemple derrière un miroir une Bible qui était dissimulée. Et ici, une tuile, ou plus exactement l'intérieur d'une tuile sur laquelle il y a graffé une inscription qui est aujourd'hui difficilement lisible, mais dont nous avons une transcription. Une transcription qui est faite dans la langue ou dans le patois qu'on parlait à Mariendorf, qui est un français très abâtardi, avec vraisemblablement encore certains mots qui sont passés par le dialecte que parlaient les premiers habitants de Mariendorf, qui étaient en général des gens venant du Haut-Dauphiné, ce qui donne quelque chose d'assez difficile, il faut bien le dire, à lire maintenant. Et il s'agit du texte du Notre Père. Notre Père, oui, absolument. Donc, du témoignage d'un paysan protestant. Oui, oui, et puis du témoignage du français germanisé qu'on parlait à Mariendorf à cette époque-là. Au-dessous, une Bible familiale qui est datée de 1700, qui a été imprimée en français, bien sûr, à Amsterdam, la Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et il y a un certain nombre d'inscriptions manuscrites. C'est une Bible qui est comme beaucoup de ces Bibles, c'est-à-dire qu'elle est en même temps le mémorial de l'histoire d'une famille. Et on voit deux inscriptions sur la page de garde de la Bible. La première, c'est une inscription d'un baptême célébré dans un village de la Hesse en 1701, un lieu en français. Et la seconde, de 1746, le décès de deux personnes, elle aussi, des Huguenots réfugiés en Allemagne à la suite de la persécution et morts en 1746, l'un âgé de 90 ans et l'autre âgé d'une cinquantaine d'années. Toutes ces inscriptions sont en français. Elles permettent de voir la continuité d'une famille dans la fidélité à l'Évangile malgré la persécution et l'exil. Ici, sur un panneau, ont été réunies des photographies représentant les temples qui ont été construits par les Huguenots dans la région. Essentiellement en Hesse, il y a des églises vaudoises comme celle de Gottstreu, pas très loin de Karlshafen et de Hofgeismar. Il y a aussi celle de Mariendorf, celle de Hofgeismar, Getsemane, la Karlskirche de Kassel, qui se trouvait dans la nouvelle ville de Kassel, l'église de Neu-Isenburg aux portes de Francfort, en Hesse-Darmstadt, l'église de Daubhausen, qui est un petit peu au nord-ouest de Francfort. Il y a encore celle de Neu-Isenburg et, je crois, Luisendorf. Elles sont évidemment différentes les unes des autres, mais on retrouve peut-être un peu une même forme dans l'architecture. Est-ce qu'il y a une architecture propre de ces temples huguenots-calvinistes ? À la campagne, c'est difficile à dire. La seule chose qui frappe dans ces églises de campagne, c'est leur extrême dépouillement et le fait que, mis à part leurs clochetons, elles se différencient à peine des fermes qu'on trouvait dans ces villages-là. Elles sont construites en colombage, elles n'ont pas de grandes fenêtres, leurs dimensions sont à peine supérieures à celles d'une maison. On y retrouve le dépouillement protestant et surtout cette hantise caractéristique des réformés qui était la hantise de l'idolâtrie, de l'objet, du sacré, qui pourrait détourner de la liaison immédiate avec Dieu et avec sa parole. Les églises urbaines, elles, sont plus caractéristiques, elles aussi, bien sûr, très sobres, très dépouillées, mais toutes, en général, construites selon le même plan, qui est le plan centré. Ce sont des églises qui ont soit la forme d'une rotonde, soit la forme d'un polygone ou d'un carré, avec de très hautes verrières, et au-dessus, une petite coupole par où la lumière pénètre. L'intérieur en est de la même manière que dans les églises rurales, tout aussi sobre. La pièce centrale, l'élément central de ces églises, qu'il s'agisse de la campagne ou de la ville, c'est la chaire, c'est-à-dire le lieu d'où la sainte parole est prononcée et transmise aux fidèles. Et l'orgue aussi, très fréquent, à cause de l'importance des hymnes ? Moins. Il y a un orgue, mais l'orgue est discret, et de ce point de vue-là, la différence est très sensible avec les églises luthériennes. On s'aperçoit donc qu'à l'époque napoléonienne, cette intégration finalement est totale. Mais comment se fait-elle, Étienne François ? Dans le domaine du refuge, comme dans tout autre domaine de l'histoire allemande à cette époque-là, on s'aperçoit que la règle, l'unique règle, c'est la diversité. Donc on a beaucoup de mal à généraliser, mais ceci étant posé, ce qui me frappe, c'est la relative facilité avec laquelle l'assimilation s'est faite dès le milieu du XVIIIe siècle. Et j'ai l'impression, même si cela paraît paradoxal, que cette assimilation a été d'autant plus facile qu'elle n'a été ni imposée ni réclamée. Je me demande même si les très nombreux privilèges qui ont été accordés aux Huguenots dans les différents territoires où ils étaient installés n'ont pas contribué à accélérer cette assimilation, dans la mesure où les Huguenots savaient très bien que, en vivant comme les Allemands, en parlant l'allemand, en se mariant à des familles allemandes, ils restaient tout de même, vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis des autorités publiques, des Huguenots avec un statut particulier, avec leur propre régime judiciaire, avec leurs privilèges financiers, avec leurs tribunaux et leurs églises, etc. Si bien qu'on s'est trouvé dans les années 1760-1780, et c'est particulièrement net dans les villes, en particulier à Kassel, à Berlin ou à Erlangen, avec cette situation très paradoxale, que concrètement, la majorité des Huguenots, des familles de la bourgeoisie et même de l'artisanat étaient quasiment intégrés, mais que d'un autre côté, ils ne voulaient pas l'avouer ni le reconnaître, parce que avouer qu'ils étaient complètement intégrés aurait en quelque sorte incité la monarchie à mettre fin au statut favorisé qui leur avait été accordé jusque-là et aurait finalement abouti à reconnaître que le roi était nu. Michel Magdelaine, il y a donc une certaine ambiguïté qui demeure dans cette, au fond, double identité. Oui, moi je crois, je reprends ce que disait Étienne François tout à l'heure, et bien sûr je suis tout à fait d'accord, sur le fait que la seule règle qui est valable pour l'Allemagne de cette époque, c'est la diversité. Et qu'en effet, si l'intégration s'est faite sans douleur et très rapidement dans les villes tout d'abord, dans les villages, au contraire, ne serait-ce que parce qu'ils étaient beaucoup plus isolés, qu'ils avaient été fondés uniquement par des communautés francophones, enfin françaises, qui sont restées assez isolées assez longtemps, qui ont formé un groupe qui vivait assez replié sur soi-même, là, l'intégration s'est faite pas toujours, mais assez souvent plus lentement. Et que c'est tout de même intéressant aussi, même si on n'a pas des exemples aussi importants que pour les villes, même si quelquefois c'est assez unique, comme l'exemple de Friedrichsdorf dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi symptomatique, me semble-t-il, parce que ça fait ressortir encore davantage cette ambivalence, cette ambiguïté. Rudolf von Laden, je voudrais que nous prenions l'exemple de votre famille, puisque vous avez des Huguenots dans vos ascendants, et que si vous parlez français aujourd'hui, c'est d'abord parce que vous avez appris le français dans votre famille. Eh bien, oui et non. La pratique de la langue française dans notre famille n'est pas seulement une conséquence des ancêtres Huguenots, mais surtout, je crois qu'il faudrait le dire, la conséquence de l'orientation de la noblesse en Europe centrale vers la culture française de l'Ancien Régime. On a toujours dit que c'est grâce aux ancêtres Huguenots. Mais comme historien, je crois que je devrais être honnête et dire que c'est plutôt la tradition de la noblesse européenne. Mais alors, il y a d'autres traces des ancêtres Huguenots dans la famille. Il n'y a pas que la langue. Il y a d'abord une tradition d'attachement à la maison royale de la Prusse, avec toutes les conséquences que cela a eues pour l'orientation politique au XIXe siècle. Par exemple, ma famille a été contre l'unité allemande. Par conséquent, elle a été contre la politique de Bismarck. Bismarck, qui a été très souvent dans la maison de ma famille en Poméranie, n'avait pas le droit d'entrer dans la maison à partir de 66. Parce que les calvinistes de notre famille n'acceptaient pas la politique d'unification allemande. Et pourquoi ? Parce qu'ils se disaient, on va perdre l'identité prussienne dans la Grande Allemagne. Et qu'est-ce qui a été là, l'identité prussienne ? C'est avant tout et essentiellement une identité protestante. Alors la peur de perdre la majorité protestante était une raison suffisante pour s'opposer à l'unité allemande à l'époque de Bismarck. Dans leur attitude à l'égard du Troisième Reich ? Bien entendu, aussi. Ma famille a été, dès le début, contre Hitler et le mouvement des nazis, mais aussi pour une raison d'attitude confessionnelle. Mon père disait, pourquoi et comment est-ce qu'on peut accepter un chancelier venant de l'Autriche catholique? Est-ce que nous sommes en train de perdre notre identité en acceptant un étranger comme chancelier de la Prusse? Une partie de ce musée Étienne François est consacrée aussi à l'implantation des Huguenots en Brandebourg. Et nous avons ici plusieurs panneaux qui rappellent justement cette implantation, et notamment un plan de la ville de Berlin. Le Brandebourg a été la région d'accueil par excellence des Huguenots. On a essayé de faire des estimations chiffrées. On pense que de 30 à 40 000 Huguenots se sont installés définitivement en Allemagne après 1685. La moitié peut-être se serait installée dans les états de l'électeur de Brandebourg, le futur roi de Prusse, et sur cette moitié, au moins les deux tiers en ville. De ce point de vue-là, la Prusse est très différente de la Hesse où nous nous trouvons en ce moment. La Hesse a une forte implantation huguenote rurale. En Prusse, en revanche, les Huguenots, on les trouve dans les villes, à commencer par Berlin. En 1700, un habitant sur trois de Berlin était un Français, et pour loger ces Huguenots, Berlin s'est agrandi, et sur les plans qui se trouvent dans le musée, on voit très bien à côté de la vieille ville de Berlin, enserrée dans ses remparts avec le fouillis architectural caractéristique des villes anciennes, les quartiers neufs tracés pour l'extension de la ville, quartiers qui doivent servir aussi de théâtre à la majesté princière, avec un ordonnancement très régulier des rues, un plan en damier, des perspectives qui convergent vers des places monumentales. Et ces quartiers, pour mieux souligner encore comment ils sont là au service de la gloire du prince, portent chacun le nom soit d'un des électeurs, soit de son épouse. Il s'agit de la Friedrichstadt ou de la Dorotheenstadt. Et c'est là qu'étaient installés les Huguenots, avec d'ailleurs d'un quartier à un autre des différences d'ordre social. La Dorotheenstadt était la plus huppée, en revanche, dans la Friedrichstadt et plus encore dans les vieux quartiers de Berlin, on trouvait les artisans, ceux qui étaient tisserands, ceux qui étaient tisseurs de bas, ceux qui étaient fabricants de tabac, ceux qui étaient fabricants de gants, etc. Car si les électeurs de Brandebourg avaient attaché une telle importance à la venue des Huguenots, c'est parce qu'ils espéraient bien que ces Huguenots implanteraient dans leur territoire sous-développé des secteurs d'activité qui n'y étaient pas encore représentés, et que grâce au secours et à l'aide qu'on leur donnerait, ils seraient des agents très actifs du développement économique et donc à terme aussi du développement politique et militaire de la Prusse et de la Maison de Brandebourg. Étienne François, est-ce qu'il n'y a pas eu une deuxième assimilation, c'est-à-dire celle du calvinisme par le luthérianisme ? J'en ai tout à fait l'impression, en particulier à partir du moment où les Huguenots se sont mis à parler allemand. Ils se sont trouvés dans un univers culturel qui était à ce point marqué par le luthéranisme et où la greffe calviniste avait au total si peu pris qu'il leur était quasiment impossible de lutter contre le courant. Ils pouvaient bien sûr continuer à se dire réformés, calvinisme. En réalité, la langue qu'ils avaient à leur disposition, les références culturelles, les chorales, les cantiques, les livres, etc., tout cela était tellement marqué par la tradition, par la spiritualité et par la sensibilité luthérienne qu'il y avait une sorte de luthéranisation involontaire de l'ancienne tradition réformée. Ce qui explique d'ailleurs que lorsque, au début du XIXe siècle, la monarchie prussienne, comme dans nombre d'autres États, a décidé autoritairement de réunifier l'Église luthérienne et l'Église calviniste, malgré les protestations des pasteurs calvinistes attachés à la défense de leur identité, les choses ce soir, tout compte fait, bien passées. Les persécutions ont continué, bien entendu, après la révocation des Nantes. Il y a eu un certain nombre de rébellions, comme par exemple la révolte des Camisards. Est-ce que les communautés huguenotes installées en Allemagne ont eu le souci de ce qui se passait pour les protestants qui étaient restés en France? Et est-ce qu'il y a eu des liens, des échanges, un certain soutien apporté par les réfugiés aux protestants restés en France? Les Camisards ne sont pas bien vus dans le refuge, pas du tout, du tout. Et il faudra attendre très longtemps dans le XIXe siècle pour qu'ils soient reconnus. Et c'est d'ailleurs, ce sont des romanciers, des auteurs de pièces de théâtre, et pas du tout des historiens au début qui ont réhabilité les Camisards. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les Camisards? Parce que ce sont des rebelles à l'autorité royale. Or, les protestants disent toujours qu'ils sont de loyaux sujets. Et ça dure très très longtemps, puisque je me souviens, lisant un ouvrage très important, qui est celui des deux pasteurs Hermann et Reclam de Berlin, sur le refuge huguenot, et c'est un ouvrage qui date de la fin du XVIIIe siècle, ils disent encore, et ils insistent plusieurs fois sur le fait, qu'ils étaient de loyaux sujets avant de quitter le royaume, que donc ce que le roi a fait était particulièrement injuste, et que d'autre part, maintenant qu'ils sont dans des pays de refuge, ils se conduisent aussi et toujours en loyaux sujets. Comment voulez-vous alors qu'ils puissent admettre une révolte comme la guerre des Camisards? Il n'y a pas que l'activité artisanale de ces huguenots qui est évoquée dans ce musée, il y a également l'activité industrielle. Il y a un morceau de sucre. Pourquoi dans cette vitrine? Ce que nous voyons ici dans la vitrine, c'est un huguenot qui a été célèbre dans le domaine de l'industrie. C'est François-Charles Achard, né à Berlin en 1750, mais de famille française, et qui a apporté à la Prusse une partie de sa richesse ultérieure, dans la mesure où il est celui qui a introduit dans les états de la maison de Prusse la technique de la fabrication du sucre à partir de la betterave et qui a mis au point la première fabrique pour produire du sucre de betterave. La légende veut que les bénéfices que la Prusse en aurait retirés aient largement dépensé tous les investissements qui avaient été entrepris pour faciliter l'installation des huguenots après 1685. Une chose est sûre en tout cas, le nom de Achard aujourd'hui, malgré la coupure en deux de l'Allemagne et les bouleversements, est toujours conservée, puisque une pièce de cette vitrine montre un papier d'emballage d'une entreprise de l'Allemagne de l'Est, de la région de Magdebourg, qui porte toujours le nom de Achard, malgré la socialisation et le passage dans le bloc oriental. C'était La France dans les archives de l'Europe, Les Huguenots en Hesse, de Göttingen à Karlshafen, par Jean Montalbetti. avec la participation des historiens Michel Magdelaine, Étienne François et Rudolf von Taden, et du colonel Centurier, président de l'Association des Huguenots d'Allemagne. Réalisation Jean-Claude Loiseau, première diffusion sur France Culture le 3 août 1982. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.